Today, I would like to talk about postures. There are four postures: sitting, standing, walking, and lying down. The Buddha taught in the Satipatthana Sutta, Kacchando wa kacchando miti pachanati, etc. According to this instruction given by the Buddha, we Vipassana practitioners practice sitting meditation and walking meditation. When we explain about the daily activities according to the Satipatthana Sutta, we also practice daily activities or general activities. But today, I would like to talk about walking meditation. Aujourd'hui, je vais vous parler des postures. Il y a quatre postures: la posture assise, la posture debout, la posture en marche et la posture allongée. Dans le Satipatthana Sutta, le Bouddha nous explique, nous donne les instructions pour la pratique. Le yogi devra donc pratiquer dans ces quatre postures. Nous allons donc pratiquer en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Ceci recouvre les quatre postures. Mais ce soir, je vais vous parler de la marche. Lorsqu'il marche, le yogi sait qu'il marche. Lorsqu'il est assis, le yogi sait qu'il est assis. Lorsqu'il est debout, le yogi sait qu'il est debout. Lorsqu'il est allongé, le yogi sait qu'il est allongé. Telles sont les instructions du Bouddha. Ces instructions sont donc très faciles en théorie. Il n'y a rien de compliqué. Mais elles sont très difficiles à mettre en application. Hier, je vous ai expliqué qu'un méditant doit s'efforcer de rester attentif et de rester dans l'instant présent, sans interruption. Il faut toujours qu'il soit dans l'instant présent et attentif. Ceci n'est pas facile. Lorsque nous marchons, nous devons donc savoir que nous marchons. Nous devons nous dire « je marche ». Qu'il étiquette le phénomène ou pas, le yogi doit toujours être conscient du fait qu'il marche lorsqu'il marche. Lorsque nous marchons, nous devons donc savoir que nous marchons. Nous devons être conscients du fait que nous marchons. Mais nous devons observer cette marche de façon très précise et être conscients de tous les mouvements du pied. Nous notons pas gauche, pas droit. Nous essayons de maintenir notre esprit fixé sur ces mouvements. Nous les observons très attentivement. Si notre observation est superficielle, il est fort probable que notre esprit s'envole après quelque temps. Si l'esprit s'envole, on ne saura même pas qu'on est occupé à marcher. Il faut donc observer de façon précise, avec beaucoup d'attention. Parfois, le méditant ne réussit pas à dépasser le concept. Il continue à penser que c'est lui qui marche. S'il ne dépasse pas le concept, que son observation est superficielle, il ne réussira pas à comprendre anicca, dukkha et anatta. Si nous voulons comprendre anicca, dukkha et anatta, nous devons être attentifs de façon très précise à l'objet. Vous devez donc essayer de noter toutes les phases du pas. Ne permettez pas à votre esprit de s'envoler. Mais si nous ne sommes pas très attentifs, au moment où nous observons les mouvements du pied, notre esprit va s'envoler très facilement. C'est un travail qui est très difficile. Il faut beaucoup d'énergie. Vous pouvez étiqueter les phénomènes de façon très précise et vous devez le faire jusqu'à ce que vous soyez arrivé au bout de la piste. Vous pourrez constater par vous-même qu'il n'est pas facile de maintenir l'esprit fixé sur l'objet. Je vous suggère donc, si vous avez beaucoup de pensées, mais qu'elles ne sont pas envahissantes, de ne pas vous arrêter pour noter pensées. Continuez à marcher en étant très attentif aux phases du pas. Le yogi doit faire un effort mental puissant pour maintenir son esprit sur les phases du pas. Quand vous atteignez la fin de votre piste de marche, vous allez vous arrêter et vous notez debout, debout. Lorsque vous notez debout, debout, vous devez être conscient du corps tout entier, de la tête aux pieds. Vous notez une dizaine de fois debout, debout. Vous étiquetez donc le phénomène. Le fait d'étiqueter le phénomène est très utile. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana, il est très utile d'étiqueter les phénomènes si on veut réussir à comprendre la véritable nature de ces phénomènes. Le vénérable Mahasi Sayadaw a précisé que le fait d'étiqueter n'était pas important en soi. Ce qui est important, c'est d'être conscient. Mais au début, il est très utile d'étiqueter les phénomènes, car l'attention va alors pouvoir se développer très rapidement. Si on n'étiquette pas les phénomènes, l'attention ne va pas facilement se développer. Dès que votre attention sera donc devenue forte, vous saurez par vous-même si vous devez continuer à étiqueter ou pas. Vous sentirez que votre esprit est capable de percevoir facilement l'objet et il devient alors inutile d'étiqueter. À l'entretien, vous allez décrire vos expériences, vous allez décrire la façon dont vous allez méditer et d'après ce que vous dites, le professeur va vous conseiller de continuer à étiqueter ou de ne plus étiqueter. Vous notez donc debout, debout, très attentivement. Prenez votre temps. Ensuite, vous allez commencer à tourner et vous notez tourner, tourner, jusqu'à ce que vous vous retrouviez face à votre piste de marche. Vous allez alors vous arrêter et de nouveau vous notez la station debout. Vous répétez mentalement « debout, debout » et observez attentivement cette posture. C'est de cette façon que le yogi pratique la méditation en marche en faisant une note à chaque pas. Lorsque donc vous pratiquez la marche de façon attentive en faisant chaque fois une note à chaque pas, et que vous réussissez à suivre le mouvement, à maintenir votre esprit fixé sur l'objet, vous pourrez constater qu'il n'y a aucune pensée dans votre esprit, aucune imagination, aucune critique, aucun souvenir. L'esprit est capable de suivre attentivement le mouvement. Si vous êtes capable de maintenir votre esprit fixé très fermement sur les objets, c'est-à-dire le pas gauche et ensuite le pas droit, la confiance va se manifester en vous, comme je vous l'ai expliqué hier. Un yogi qui réussit à noter attentivement le pas gauche et ensuite le pas droit verra que la confiance commence à se développer en lui, tout simplement parce qu'il constate qu'il a réussi à contrôler son esprit, à le maintenir fixé sur le mouvement du pied. Il n'est plus pris par des pensées sensuelles, en rapport avec l'œil, l'oreille, le nez, la bouche, le corps ou l'esprit. Ce yogi commence donc à avoir confiance en lui. Il sait, par expérience, qu'il est capable de pratiquer cette méditation. Si vous avez réussi à franchir votre piste de marche en faisant une note à chaque pas, sans trop penser, vous voudrez tout naturellement passer à la deuxième méthode qui consiste à faire deux notes à chaque pas. Vous allez alors noter « lever »,« placer ». Si vous êtes capable de faire deux notes à chaque pas, cela veut dire que votre attention est devenue plus forte. Car pour faire deux notes, il faut être beaucoup plus attentif. Il faut faire plus d'efforts pour maintenir l'esprit sur l'objet pendant toute la durée du processus. Lorsqu'on fait une note à chaque pas, l'observation est plus superficielle. Lorsque donc vous faites deux notes à chaque pas, vous allez observer très attentivement. Votre énergie va se développer. Votre attention va devenir beaucoup plus forte. Et vous allez tout naturellement comprendre que pour expérimenter en profondeur, il faut que l'attention soit très développée. Au moment de l'entretien, le yogi explique, par exemple, qu'il note attentivement « lever » au moment où son pied s'élève, « abaisser » au moment où son pied s'abaisse. Il explique qu'au moment où il observe attentivement le mouvement d'élévation du pied, il voit que c'est le talon qui s'élève en premier. Il voit le moment où les orteils vont décoller du sol. Et lorsqu'il observe le mouvement d'abaissement, il explique qu'il voit la façon dont le pied se pose sur le sol. Il faut donc essayer d'être tout simplement attentif à ce qui se passe. Il ne faut rien rechercher, ne pas s'attendre à telle ou telle expérience. Simplement observer, pratiquer ce que l'on appelle l'attention pure. Si l'esprit est capable de suivre avec précision ces mouvements, l'expérimentation va se manifester spontanément. Si vous êtes très attentif et que vous notez de façon pénétrante chaque phase du pas, il est possible que vous perceviez une intention avant de lever le pied et une intention avant d'abaisser le pied. Mais l'intention est un processus très subtil qui n'est pas facile à percevoir. On demande au yogi de noter l'intention, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est facile à percevoir. Les yogis doués vont cependant y arriver. Vous allez ainsi en arriver à la troisième méthode qui consiste à faire trois notes à chaque pas. Si vous avez réussi à pratiquer la deuxième méthode, c'est-à-dire à faire deux notes à chaque pas de façon très attentive, ce ne sera pas difficile de faire trois notes à chaque pas. Vous allez noter, lever, avancer, abaisser. Vous ajoutez donc un mouvement. Votre attention est devenue plus fine. Lorsque vous en étiez à la première méthode et que vous faisiez une note à chaque pas, vous étiez capable d'une attention mais qui était encore relativement superficielle. Lorsque vous êtes passé à la deuxième méthode et que vous avez noté lever, abaisser, votre attention était déjà un peu plus développée. Mais lorsque vous en serez arrivé à cette troisième méthode et que vous ferez trois notes à chaque pas, votre attention sera devenue très forte. À ce stade, la confiance s'est déjà installée en vous. Vous disposez de plus d'énergie et vous voulez tout voir en détail. Vous ralentissez très fort l'allure de façon à pouvoir être très attentif à tous les détails. Vous observez très attentivement ces trois mouvements. Vous vous déplacez donc de façon très lente et composée. Certains yogis aimeraient savoir jusqu'à quel point ils doivent ralentir leur allure. Mais cela dépend de l'attention. Le Bouddha demande aux yogis de se comporter comme un malade. Un malade se déplace lentement et de façon très attentive. Le yogi doit se comporter de la même façon. Il doit marcher lentement et de façon composée. Le Bouddha ne parle pas de l'allure que doit adopter le méditant. Cela dépend de l'attention. Si vous êtes très attentif, que vous avez une forte saddha, une forte confiance, vous allez vouloir tout naturellement travailler de façon respectueuse, en ralentissant très fort votre allure, tout simplement parce que vous ne voulez rien rater, vous voulez tout voir très clairement. C'est ainsi qu'on développe l'attention par la marche. On commence par faire une note à chaque pas, puis deux notes à chaque pas, et enfin trois notes à chaque pas. L'attention va ainsi se développer de plus en plus. Si l'attention se développe, la concentration se développe également. Au début, vous faisiez donc une seule note à chaque pas, et vous étiez capable de ressentir du mouvement de façon superficielle. Vous pensiez encore que c'était vous qui marchiez. Vous pensiez « je marche ». Vous étiez encore dans le concept. Mais lorsque votre attention se sera développée et que votre esprit sera devenu capable de suivre attentivement le mouvement, il est possible que vous ressentiez de la légèreté dans le corps. Vous ressentez qu'il n'y a aucune douleur. Vous ressentez toutes sortes de sensations subtiles. À ce moment-là, la forme extérieure du pied aura disparu. Vous ne sentez que des sensations. Vous sentez de la légèreté, de la lourdeur, du mouvement. Vous sentez les sensations à l'état pur. Ceci s'est produit tout naturellement, sans que vous le recherchiez. Il a tout simplement fallu que vous soyez très attentif. Ces sensations vont alors spontanément se manifester de façon automatique. Il y a trois sortes de connaissances. La première, c'est Chintamaya Jnana, la connaissance qui vient de la pensée. La deuxième, c'est Sutamaya Jnana, la connaissance qui vient de l'étude. Et la troisième, c'est Bhavanamaya Jnana, la connaissance qui vient de la pratique, la connaissance expérimentale. En ce moment, vous observez très attentivement les phases du pas au moment de la marche. Et vous êtes en mesure d'expérimenter des sensations de lourdeur, de légèreté, du mouvement, parfois de la douceur, de la dureté. Tout ceci, ce sont des expériences authentiques. Vous comprenez de façon authentique. Pourquoi y êtes-vous arrivé? Parce que votre attention est devenue très forte. Vous travaillez de façon très diligente et vous réussissez donc à comprendre clairement. Il faut donc pratiquer la marche. Il ne faut pas uniquement pratiquer en posture assise. Parfois, les méditants préfèrent la posture assise et ils négligent la marche. Il arrive aussi que les méditants préfèrent la marche et négligent la méditation en posture assise. Mais il faut essayer d'alterner ces deux méditations de façon égale. Un débutant pourrait parfois avoir peur des douleurs en posture assise et il va donc se mettre à marcher, croyant que c'est plus facile. Mais en fait, la méditation en marche est tout aussi difficile car il faut rester attentif au mouvement. Le Bouddha nous dit que la marche amène certains bénéfices. Le premier, c'est qu'on devient capable de franchir de longues distances. Du temps du Bouddha, il n'y avait pas de voiture, pas de train, les gens se déplaçaient à pied. Et il était donc très important de s'entraîner à parcourir de longues distances. Le deuxième bénéfice, c'est que le méditant va devenir fort physiquement. Il va développer sa vigueur physique. Le troisième bénéfice, c'est que la marche prévient les maladies. Le quatrième, c'est que la marche assure une digestion facile. Et le cinquième, c'est qu'elle procure une concentration qui est de longue durée. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Sadhu, sadhu, sadhu.